Chapitre 10. Non, mademoiselle, ce n'est pas possible. Vous serez mignonne, vous refermerez bien la porte en sortant. Lorraine s'efforça de ne pas se laisser atteindre par la condescendance odieuse de son interlocuteur. Elle tenta une dernière fois la méthode douce et polie, quand bien même elle avait cessé depuis longtemps de croire à l'efficacité de celle-ci. Permettez-moi d'insister, monsieur. J'ai été missionné par Sir Ronald Walden pour retrouver sa petite fille. J'aimerais donc simplement m'entretenir un instant avec monsieur le juge Gaudion, afin qu'il puisse, s'il le veut bien, me dire où en sont les recherches concernant les trois personnes disparues. Ce ne sera pas long. Le palais de justice de Blackmore, sis au coin de Devon Street et de la rue de l'Église, était un bâtiment haut de 2 étages dont la façade jaune se dressait derrière une grille en fer forgé et arborait fièrement sur un drapeau les armoiries de l'île. Figurant 2 lions face à face sur un pont, elle faisait référence aux armes du duché de Normandie, dites de gueule à 2 léopards d'or. L'ajout du pont symbolisait ici le lien qui, par-dessus la Manche, unissait à jamais Blackmore aux terres normandes. Siège de la justice pour toute l'île, le palais renfermait un tribunal, mais aussi les bureaux du juge et de ses employés, 2 geôles et les locaux de la police, laquelle était dirigée par le connétable Parker. Ce dernier était un homme d'une 40aine d'années, grand et maigre, les joues creuses, la bouche fine, les yeux enfoncés et habités d'une roideur rebutante, et sur son crâne se livraient bataille des cheveux aussi gras qu'ils étaient rares. Sa voix, à la fois enrouée et serrée, n'était pas fondamentalement plus attrayante. « Missionné ? Mais à quel titre ?»« Celui de détective privé. »« Détective ? Une femme ?» s'étonna le connétable avec aplomb, comme si son étonnement eût été légitime. Le pauvre homme ignorait que cette petite phrase venait de sceller son sort à tout jamais. Il n'est pas plus étonnant de voir une femme détective qu'un homme totalement crétin, vous savez. Pardon ? Dites à monsieur le juge que j'aimerais le voir et aller jouer avec des cubes, s'il vous plaît. Décontenancé, le connétable se mit à bégayer bêtement, en la dévisageant, les yeux écarquillés. Enfin, des cubes ? Quel cube ? Lorraine fit de grands gestes explicites. Vous, Parker, moi, Chapelle, vous cherchez juge. Monsieur Parker, qui était resté assis jusqu'alors, se dressa d'un bond, l'air fâché et menaçant. Mais enfin, mademoiselle, cessez de me parler de la sorte. Je ne suis pas complètement stupide. Dans ce cas, vous êtes un comédien hors pair. Changez de métier. Y a-t-il un théâtre sur Blackmore ? Écoutez, votre plaisanterie de mauvais goût a assez duré. De toute façon, monsieur le juge ne reçoit pas au pied levé. Si vraiment vous voulez le voir, il faut envoyer une lettre. À quoi bon envoyer une lettre puisque je suis ici ? Afin qu'elle puisse être lue et votre demande étudiée. Par qui donc ? Eh bien, par le secrétaire de monsieur le juge. Dans ce cas, laissez-moi voir ledit secrétaire. Je me ferai une joie de lui signifier tout de suite et de vive voix ce qui se trouverait dans cette missive. L'urgence de cette affaire ne saurait souffrir la lourdeur d'une correspondance plus qu'elle ne souffre déjà la vôtre. Monsieur le secrétaire ne reçoit pas non plus au pied levé, mademoiselle. Je vous l'ai dit, il faut une lettre. Si je devais en envoyer une, monsieur, ce serait au lieutenant-gouverneur de Guernesey. Après les rapides explications de Sir Ronald Walden, Mademoiselle Chapelle avait pris le temps d'étudier plus avant l'organisation politique des îles anglo-normandes. Le lieutenant-gouverneur, en tant que représentant du monarque britannique dans le bailliage de Guernesey, était la plus haute autorité de l'État, surpassant celle du gouverneur et du juge de l'île. « Et que lui diriez-vous ? » rétorqua le connétable sur un ton de défi plein de suffisance. « Que vous êtes fort divertissant, mais dangereusement incompétent, et donc tout à fait incapable de mener cette enquête. » « Incompétent ? » s'exclama Parker, dangereusement. « Mais de quel droit l'affirmez-vous, mademoiselle, puisque vous ne savez rien de notre enquête, et que c'est justement pour cela que vous voulez la connaître ?»« Du droit de toute femme et de tout homme à combattre par le raisonnement ce qui lui paraît nuisible, à défendre par les actes ce qui lui paraît juste et utile, et à opposer au droit du plus bruyant celui du plus capable. »« Pardon ? Vous êtes complètement folle ? » !»« Prouvez-le. » »« Opposer à l'erreur la vérité plutôt que la colère au raisonnement. » Usez du peu de facultés dont la nature vous a parcimonieusement gâté pour distinguer la tutelle publique de la raison individuelle. Et je ne comprends rien de ce que vous dites, manifestement. Allez me chercher un responsable. Au même moment, comme l'avait espéré Lorraine en cherchant volontairement à provoquer chez son adversaire une rogne tapageuse, la porte la plus éloignée du comptoir d'accueil s'ouvrit brusquement et l'on vit apparaître un homme mûr, en robe de soie noire de magistrat, c'est-à-dire orné d'une cravate blanche, large et plissée. Avançant d'une allure nonchalante, les épaules voûtées, l'homme agita mollement ses larges mains tandis qu'une grimace d'agacement et de lassitude se dessinait sur son visage tout en longueur. Son collier de barbe, son nez aquilin, ses joues marquées d'un grand sillon, ses larges oreilles et son épaisse chevelure en pointe lui donnaient de faux airs d'un Abraham Lincoln sexagénaire et désabusé. « Mais qu'est-ce que c'est encore que tout ce ramdam, Monsieur Parker ? Eh bien, c'est cette demoiselle, Monsieur le juge, qui me dit que le droit... que la raison... Que dites-vous déjà ?» Lorraine Chapelle se présenta calmement la Française en tendant la main au juge Gaudion. « Vous tombez à pic. Je voulais justement m'entretenir avec vous au sujet des disparitions des derniers mois, et en particulier de celle de Mademoiselle Margaret Walden. Je conduis une enquête sur la jeune femme. »« Une enquête ? Mais à quel titre ? Ah, c'est exactement ce que je lui ai dit !» intervint le connétable reprenant soudain un peu de contenance. « Je suis diplômé de l'Institut de criminologie de la Faculté de Paris, votre honneur, et mandaté par Sir Ronald Walden pour retrouver sa petite fille dans les plus brefs délais. » Au même instant, du côté opposé, la porte d'entrée du palais de justice s'ouvrit. On y vit entrer le sieur Edward Pierce et son parapluie bleu, encadré par deux policiers. « Tiens, vous êtes là, vous aussi ?» s'étonna le détective en découvrant Lorraine. Commença alors une scène légèrement confuse qui, dans d'autres circonstances, eût pu être qualifiée de burlesque, tant l'enchevêtrement des dialogues qui suivirent cette deuxième entrée théâtrale évoquait un vaudeville à peine digne du pauvre Monsieur Feydeau. Le connétable. « Ah ah, vous vous connaissez, comme c'est bizarre !» Lorraine à Edward. « Je mène une enquête sur une disparition, mais vous, que faites-vous là ?» Le juge au policier. « Est-ce bien l'homme qui a été vu ce matin chez le prêtre ?» Edward à Lorraine. « Une disparition ? Vous êtes donc au courant pour le père Molloy ?» Un policier au juge. « C'est en effet Monsieur Edward Pierce qui... » Edward. « Détective Pierce, je vous prie, sujet de Sa Majesté le roi George V. » Lorraine à Edward. « Que voulez-vous dire, le père Molloy aurait-il disparu lui aussi ?» Le connétable. « Ce ne sont pas vos affaires, mademoiselle. Laissez la police. » Lorraine. « Taisez-vous donc, misérable sot !» Edward à Lorraine. « Comment cela, lui aussi ? Mais qui d'autre a disparu ?» Le connétable au juge. « Avez-vous vu comme elle me parle, cette insolente ? Nous ne pouvons pas laisser une femme, étrangère de surcroît, parler ainsi à un représentant de l'ordre. » Lorraine à Edward. « Margaret Walden, la petite fille de Sir Ronald Walden, ainsi que deux autres habitants de l'île avant elle. » Le juge au connétable. « Sur le fond, mademoiselle n'a pas tout à fait tort. » Edward à Lorraine. « Saint-Christ. Attendez voir, se pourrait-il qu'il s'agit d'Elias Carteret et de Diane Tudor ?» Lorraine. « Précisément ? Comment le savez-vous ? » Le connétable. « Mais enfin, monsieur le juge !» Le juge Edward et Lorraine de concert. « Taisez-vous donc !» Un policier au juge. « Que doit-on faire de Monsieur Pierce, votre honneur ?» Edward. « Détective Pierce. » Puis à Lorraine. « Je vous expliquerai. La chose est un peu compliquée. » Lorraine. « Cela fait donc quatre disparus désormais. » « Ah mais ça, monsieur le juge, vous n'allez pas pouvoir étouffer cette affaire plus longtemps. » Le connétable au juge. « Elle m'a demandé d'aller jouer avec des cubes. Vous vous rendez compte ?» « Il suffit !» s'exclama le juge Gaudion en frappant du poing sur le comptoir d'accueil. « Que tout le monde se taise ! Vous, faites entrer mademoiselle et monsieur dans mon bureau, et les autres, disparaissez de ma vue !» Le policier sollicité s'exécuta. Avant que la porte du bureau du juge ne se referme derrière elle, Lorraine adressa un baiser distant au piteux connétable qui semblait avoir perdu en quelques minutes au moins le quart de sa taille.